échangeur d'air avec vous jusqu'à 22h. Michel Marcou au microphone et Jean-Philippe Boisbriand fait la sélection musicale, la mise en onde, la réalisation et se promène en autobus. Aujourd'hui, on commence par des trucs très japonais, parce que c'est fait par des japonais. Ensuite, on passe à quelque chose qui est plus new wave funk, comme ça. Et ensuite, on termine avec d'autres trucs. Voilà, et si on veut tout entendre, qu'est-ce qu'on fait? Vous le savez maintenant, nous y allons. Respect. ça commençait comme ça, les échangeurs pour cette semaine. Sonoko. Alors, ben, on était au Japon presque tout le temps, et avec Victoria. Mais la pièce s'appelle Marine Bad sur l'album La Débutante de 1987. On en a mis quelques fois. C'est une dame qui a été influencée par beaucoup de choses, en fait, et par les Français. Beaucoup, d'où le nom La Débutante. Elle est, elle a vécu dans les banlieues, voilà, de Kyoto. Puis elle a été vraiment au début de la vague de musique expérimentale de Kyoto. Ça, puis on en met régulièrement de Sonoko parce que c'est bon. Tennis Coats, des Tennis Coats, suivant avec Stone in the Boot sur un album qui s'appelle All Aboard. C'est très bon, les Tennis Coats. Alors, c'est un groupe dans lequel il y a deux membres, puis évidemment des musiciens invités. Alors, Saya et Takashi Ueno. Puis ils ont plein de musiciens qui viennent jouer avec eux, puis ça touche à bon avant-garde folk, puis ça psychédélique, puis c'est bon, ça me semble, c'est drôle parce qu'il y avait un petit bout qui me faisait penser au Raincoats tantôt, et peut-être que le nom vient un peu d'une inspiration avec Tennis Coats ou Raincoats, mais il y avait un petit bout dans l'esprit qui me faisait penser un peu au Raincoats. Ensuite, on est passé à de Yapouz, la pièce Rudu Yanshuka sur l'album Keikaku de 1987. Jun Tokawa, en fait, c'est une chanteuse qui a participé à plusieurs groupes, qui a fait plein de trucs. Elle a été dans Guernica. Puis, les Yapouz, c'est comme son projet pop. Alors, c'est un projet qu'elle a mené à bien. Elle a très bien, je dirais. Puis elle a fait, elle a joué dans des films aussi. Bon, c'est une actrice. Puis elle a commencé à chanter d'abord pour The Almonds. Puis elle a commencé une carrière de musicienne, de chanteuse au début des années 80. Ensuite, on est passé aux Sissy Gies qui nous faisait Lotus Rain sur l'album Eyes on Green, Sissy Gies Live at Tokyo Instinct 1988. Et c'est live. Même s'ils font de la musique microtonale, ce qui n'est pas nécessairement si évident, c'est un album live. Puis les deux, donc, on a Itobi Shimizu qui joue de l'orgue et Hiromi Nishida au violon. Nishida qui a appris le style arabe, le style de violon arabe, et les deux ont développé cette façon de jouer et de chanter, donc selon la gamme de 43 tons popularisé par Harry Parch. Ensuite, Takako Minekawa nous faisait Party on a Floating Cake avec Dustin Wong sur Tropical Circle de 2013. Puis elle a été longtemps avec Cornelius qu'on a mis il y a pas si longtemps. Puis c'est ça aussi, c'est vraiment très bon. Les Japonais ont su, et ça c'est de 2013, mais ils ont su se renouveler aussi puis faire beaucoup de trucs intéressants. Ruby Carento finissait avec Shikotan sur l'album Ruby Carento de 2018. Eux vivent à Victoria en Colombie-Britannique. Puis c'est vraiment vraiment intéressant. Alors c'est assez récent, c'est un album de 2018. On va en remettre parce que Jean-Philippe dit que l'album est bon au complet. Alors on va en remettre, c'est certain. Puis ensuite on s'en va faire un tour de plus du côté funk new wave, on parle quelque chose du genre. my best to go to sleep by counting wood. Thank you. Thank you. échangeur avec vous toujours jusqu'à 22h. Nous avons un blog, échangeur.blogspot.com. Alors vous pouvez aller voir, vous aurez la feuille de route et même les pochettes. Et les archives audio, me dit Jean-Philippe comme ça à l'oreille. Je parle pas de météo, mais il y a une constante. Normalement, lorsque c'est le mercredi, il y a un genre de tempête. Là, c'était pas attendu du tout et on rigole depuis tantôt parce que Jean-Philippe prend l'autobus pour se retourner à Cap-Rouge et les conditions empirent de semaine en semaine. C'est très sympathique. C'est un complot, probablement. C'est soit bolchevique, possiblement, ou des Illuminati. Possiblement pour ne pas que l'on fasse l'émission. Mais ça commence comme ça. C'est très, très joli. On dirait un orage d'hiver. Qu'est-ce qu'on a eu? Oui, Insomnia Samba. C'était Amos et Sarah. Invite to Endless Latino de 1983. Et ça faussait là-dedans, mais c'était pas microtonal. Alors, c'était pas comme nos amis de tantôt qui faisaient de la musique microtonale. Là, c'est vraiment... ça faussait tout simplement pour le vrai. Et c'est un truc qui a été ressorti parce qu'au départ, c'était sur une cassette, je crois. C'est sorti... Ça vient d'être édité en vinyle. C'était une cassette de 1983. Et ce qu'on a entendu, c'est la cassette que Jean-Philippe a. Comme ça, voilà. Alors, on peut voir un petit truc sur Total Punk. Ouais, c'est comme ça que ça s'appelle, le site Total Punk. Voilà, mais c'était pas si punk que ça. Ya Ya Ya, nous faisait la pièce Ya Ya Ya sur l'album Ya Ya Ya de 1982. C'est facile de se souvenir de ce que c'était. Alors, et comme je disais, vous pouvez aller voir vraiment tout. Et Jean-Philippe insiste là-dessus, les archives de plusieurs années aussi. Alors, vous pouvez aller consulter tout ça. Il y a Julie Jigsaw et Julianne Ashcraft qui ont décidé, à un moment donné, de faire, même s'ils sont pas allemandes, de faire des trucs qui ressemblaient à la nouvelle musique allemande, le néo-kraut, ou comment on appelle déjà, je cherche le néo... ouais, No Dutch Vile, c'est ça. Alors, la German New Wave, comme ça. Puis, elles ont communiqué, en fait, Julie Jigsaw a communiqué avec le Moritz R. de d'Airplane. Et ça a eu une influence parce qu'il a présenté Frank Samba et Vint Vito, qui bon batteur et bassiste, comme ça. Et ça a donné un excellent résultat. C'est vraiment très, très bon, Ya Ya Ya. Si vous avez raté, ben, allez voir les archives. Ça sera probablement archivé pour la semaine prochaine. Possiblement. Voilà, si Jean-Philippe peut se rendre chez lui en revenant. Dira Direr nous faisait Versteck dich nicht im Kühlschrank sur Eschbaren und Zitronen de 1981. Eux, ils essaient de pas être trop sérieux. En fait, Dira Direr, ils essaient parmi les trucs importants pour eux, c'est devenir d'une petite ville, de devenir aussi populaire que Divo, puis faire en sorte que personne sache si c'est sérieux ou pas, puis aussi détruire le mythe du rock sérieux, carrément. Alors. C'est ça. Puis évidemment, c'était possiblement des non-musiciens. Ça date d'assez longtemps pour ça, une époque où, dans les débuts des années 80, c'est probablement le moment où il y a eu le plus de non-musiciens qui ont fait de la musique. Puis ça faisait vraiment suite au punk, parce que chez les punks, il y avait beaucoup de non-musiciens qui faisaient de la musique, puis on leur donnait des noms comme Sid Vicious. Johnny Dinnell and New York 88 nous faisait Jam Hot. C'est son grand succès, Rumba Rock sur Jam Hot de 83. Johnny Dinnell qui a été celui qui a, un de ceux qui a popularisé le voguing. Alors, ceux qui ont déjà vu, peut-être qu'il y en a qui connaissent très bien le voguing, mais sinon, vous pouvez toujours aller voir Vogue de Madonna, comme ça, pour voir du voguing. Il a fait ça, puis il a fait beaucoup de choses, en fait, puis c'est vraiment un nightclubber, comme je dirais... certaines personnes, comme ça, genre un oiseau de nuit et qui est un DJ, tout ça. Puis ça, c'était vraiment très très chouette, Jam Hot. Et on a terminé avec David Byrne, c'est drôle parce que je savais pas ça. Bon, il est né en Écosse, on le savait, mais je savais pas qu'il avait vécu en Ontario pendant peut-être 6-7 ans. Puis ensuite, ils sont établis dans le Maryland à Baltimore, mais c'est pas pour ça qu'il a été connu, c'est pas pour avoir vécu à Baltimore, mais plutôt pour avoir parti Talking Heads. Et les Talking Heads ont eu un succès planétaire très intéressant, et David Byrne en est en grande partie responsable, et Brian Eno aussi. Brian Eno a bien collaboré à Talking Heads au début, et ils ont continué à collaborer ensemble parfois après après Talking Heads. Moi, il y a quelques pièces d'un disque que peu de gens connaissent qui s'appelle The Forest, qui est une bande bande musicale de film que j'aime, quelques pièces que j'aime vraiment beaucoup là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve presque nulle part. Et pour notre dernier bloc, qu'est-ce qu'on aura? Des Bush Tetras, Technicolor, Mau Mau, 23 Skidoo, ah, puis il y a Massacre qui nous font Killing Time. Ça va être très chouette. The Stickman, ça va rocker. you didn't want. Ma tête va exploser, comment je peux poser? Je cours sans respirer, qui m'a programmé? Ma tête va exploser, comment je peux poser? Sans respirer, qui m'a programmé? Invincible Dub. Time for you to reach your hot point. Hot point. Hot point, yes, and stick me quick so I can jam on it. Hey! Worms are screaming, peanuts cry. out with a mess, and she's trying to keep it clean. Ladies with appliances, does the dishes and machines, she's a very young big queen. She's as efficient as can be. Now she's cleaning up my room. Ladies with appliances, threw away her broom, she's got a sonic vacuum now. C'est comme ça que ça se termine. C'est Raymond Lefebvre qui fait Let's Dance. Alors, je connaissais pas cette version. C'est vraiment fantastique. Qu'est-ce qu'on a entendu pour terminer? D'abord, je vous dis que Benoît Arcand est là, bravant tous les éléments pour dire faire ta vague. Bush Tetras nous faisait You Can't Be Funky sur Wild Things de 1983. D'où ils sortent, c'était de groupe de no wave et de post-punk, comme on dit par chez nous, américain, principalement féminin. C'est celui qui a été actif de 79, 83, 95, 98 et depuis 2005. Wow! Moi, je suis encore frappé par le fond sonore. Wow, c'est quand même quelque chose. Technicolor suivait avec la pièce Téléphone de 1981 sur une compilation qui s'appelle Subnormal Girls. Do It Yourself Post-Punk 79-84 volume 3, un groupe de Genève, de Suisse, donc qui ont sorti ce truc là en 1979. C'est sûr, il y a pas une tonne d'informes de trucs sur eux parce qu'ils ont, je pense c'était sorti à 400 copies. C'est comme ça, ce qui est pas énorme pour le monde entier. Mao Mao nous faisait Off the Arjag sur l'album Kraft de 1982, oui, puis Mao Mao, j'en ai sorti, Google Traduction, oui, parce qu'on avait juste le truc en allemand, mais la traduction est toujours intéressante là-dessus. Alors, qui on retrouve dans le groupe, il y avait Wolfgang Spelsmann, Michael Kemmer, Gottfried Emmermann et Lawrence Altendorf, puis c'est un groupe allemand de la nouvelle vague, si on peut dire, puis on et il était actif de 81 à 83. Puis, c'est ça, je cherche la jolie phrase, mais je retrouverai à un moment donné, c'était où est-ce qu'on explique que le groupe est devenu New Wave à un moment donné. Le fond sonore continue pendant ça. 23 Skidoo nous faisait Vegas El Bandido sur Seven Songs de 1982. Puis, il y a eu une révolte des Mau Mau à un moment donné, alors ils s'en sont inspirés. C'est un groupe de Londres, un groupe anglais, qui faisait quoi? L'industriel punk? L'industriel funk? toutes sortes de choses. Il y avait Fritz Kalin, Johnny Turnbull et Sam Mills. Puis ensuite, il y a eu d'autres tamboules qui se sont joints, qui se sont joints au groupe. C'est presque impossible de se concentrer en entendant Let's Dance de Raymond Lefebvre. Massacre, il faisait Killing Time sur Killing Time de 81. Un disque que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Fred Frith, Bill Laswell et Fred Maher, qui étaient en forme. Très, très en forme. Et on est passé ensuite à The Stickmans sur This is the Master Brew de 82. La pièce Insatiable, Hot Point. Il était un peu énervé. Il était un petit peu énervé. Le chanteur guitariste était très énervé. On a beaucoup écouté ça à une certaine époque. MX80 Sound nous faisait I Walk Among Them sur Out of the Tunnel de 1980. Pendant qu'on a la montée dramatique. Ils sortent de où? Comme ça, des États-Unis. De Bloomington, dans l'Indiana. Puis c'est difficile bon de les catégoriser. Ça va du post-punk au heavy metal, pratiquement. Mais il reste un petit peu de temps pour vous dire qu'on a terminé avec Dow Jones and the Industrials, Ladies with Appliance de 81. Ça, c'était vraiment très chouette. Un peu comme si les Sex Pistols avaient été un peu plus talentueux. Ce qui est pas gentil. Ne m'attendez pas à la sortie de la station pour défendre les Sex Pistols. Ils sont très bien capables de se défendre eux-mêmes. Sauf ceux qui sont plus là. L'album s'appelle Can't Stand, de Midwest de 79 à 81. Et ça nous laisse le temps de vous dire à la semaine prochaine.